La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Ces dernières années, les découvertes sur le fonctionnement des écosystèmes forestiers ont fait des pas de géant, alors qu'on les a longtemps considérés comme des objets inertes. Les arbres ont révélé leur capacité à percevoir le monde qui les entoure et à réagir en conséquence. Le microbiologiste Francis Martin se passionne depuis longtemps pour les interactions entre les arbres et leurs alliés microscopiques, les champignons. Et depuis la nuit des temps, ils ont mis en place des alliances bénéfiques, on les appelle des mycorhizes. Et Francis Martin publie justement un ouvrage qui montre que pour survivre dans la forêt, eh bien, il faut justement des alliés. C'est le thème de notre tête au carré pour comprendre comment arbres et champignons s'apportent des aides mutuelles indispensables à leur fonctionnement. Et vous pouvez nous rejoindre dès maintenant avec vos messages et toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. À la une de la science, aujourd'hui on part sur le continent blanc, donc en Antarctique. Oui, on va voir que la fonte des glaces est en train de s'accélérer en Antarctique et d'une manière vraiment impressionnante. Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons le rendez-vous science grand format de France 5, consacré ce soir à la route de la soie. Fanny Boyon réalise cette émission, préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Bonjour Francis Martin. Bonjour Mathieu Vidard. Bienvenue à vous, microbiologiste, et vous publiez aux éditions Humaine Science Sous la forêt pour survivre. Il faut des alliés. Et c'est vrai que je le disais tout à l'heure dans le sommaire, on n'en finit plus de découvrir finalement la vie intime des écosystèmes forestiers. Et c'est assez nouveau d'ailleurs pour le public, cette façon de comprendre les arbres en particulier. Je crois que le livre de Peter von Leben, La vie secrète des arbres, a été un coup de foudre l'année dernière. Il s'est vendu comme des petits pains, comme un prix Goncourt, plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Même plus qu'un prix Goncourt maintenant. Ouais. Voilà, mais il a surtout provoqué une polémique assez vive au sein de la communauté scientifique. Nos avis sont partagés, mais je suis convaincu qu'il a apporté beaucoup. Il a parlé de mycorhizes, il a parlé symbiose, il a parlé arbres, de façon très anthropomorphique. Mais oui, c'est ça qu'on leur reproche finalement. Ça a vraiment permis de réveiller l'audience, et on a parlé d'arbres, de champignons, de mycorhizes, de réseaux mycorhiziens à multiples reprises l'année dernière, et moi je suis ravi. Donc ça vous réjouit, effectivement. Même si effectivement le fait de peut-être trop humaniser les choses peut parfois être gênant pour la science. Il y a des vérités dans son livre, mais quand même de là avoir une maman arbre allaiter son bébé arbre, ça passe un peu mal. Oui. Alors, on y reviendra, j'espère. Et heureusement, votre ouvrage arrive, Francis Martin, puisque c'est la raison pour laquelle on vous a invité. Et vous parlez d'arbre-monde. Alors, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'il faut entendre par ce terme? L'arbre, comme tous les organismes, y compris l'arbre, comme tous les organismes, en fait, il ne vit pas seul. Il vit avec un cortège d'insectes, d'oiseaux, d'animaux, mais aussi de micro-organismes. Sur les branches, sur les feuilles, sur l'écorce, sur les racines, vivent des champignons, des bactéries, des micro-insectes, des virus. Ouais. Donc, arbre-monde, ça signifie que l'arbre est un univers à lui seul. Il est en interaction avec de multiples organismes. Et chaque fois qu'on abat un arbre, on abat un univers, un monde. Et il faut imaginer ça comme une sorte de gigantesque réseau vivant, au fond? Alors l'arbre lui-même, il interagit déjà avec, il communique, il dialogue avec des centaines et des milliers d'espèces vivantes différentes. Mais il semblerait que les arbres, au sein d'une forêt, soient eux-mêmes connectés par ce réseau de filaments microscopiques qui connectent les arbres les uns aux autres. Les arbres d'une même espèce, mais aussi les arbres d'espèces différentes. Donc petit à petit se fait jour l'idée qu'un certain nombre d'informations, de messages, de signaux, de matière pourraient transiter par ce réseau mycélien qui connecte les racines les unes aux autres. Donc c'est un immense enchevêtrement. Certains parlent d'un Internet. Ah oui, l'image c'est ça. Est peut-être un peu abusive, mais je la trouve assez séduisante. Je ne pense pas que les promeneurs qui parcourent la forêt de Fontainebleau imaginent qu'ils marchent sur un tapis de ce qu'on appelle de mycélium, c'est-à-dire les filaments microscopiques que génèrent les champignons. Donc on marche sur ce tapis de mycélium, de filaments microscopiques enchevêtrés, et eux-mêmes connectent les racines des arbres les unes aux autres. Oui. On va voir tout ça avec vous, donc ces relations bénéfiques, voire chaotiques parfois aussi, ça existe, entre les champignons et les arbres, on verra, je vous poserai la question. Et puis les auditeurs vont nous rejoindre avec des messages pour vous, Francis Martin, on se rejoint sur franceinter.fr, à tout à l'heure. Voilà, et ça n'est pas un orage. Ce bruit impressionnant est celui d'un bloc de glace qui se détache d'un iceberg. Et c'est aujourd'hui le sujet à la une de la science, Héloïse Rambert. Oui, Mathieu, aujourd'hui on revient sur une étude de l'Académie des sciences américaines pour laquelle des scientifiques glaciologues ont suivi l'évolution de la masse de la calotte glaciaire antarctique pendant 40 ans. Alors, vu l'ampleur de la surface à surveiller, ils ont travaillé à partir d'images haute résolution du continent prises par des satellites. Ils ont ensuite analysé les clichés, ce qui leur a permis de s'apercevoir voir qu'entre 1979 et 1990, l'Antarctique avait perdu en moyenne 40 milliards de tonnes de masse glaciaire par an. Mais depuis 2009, on est passé dans une autre dimension avec une perte annuelle passée à 252 milliards de tonnes, soit environ 6 fois plus. C'est donc pire. C'est bien pire. C'est surtout à l'ouest du continent, au niveau de ce qu'on appelle la péninsule antarctique, que cette fonte glaciaire se produit. On va en parler tout de suite avec Sylvain Coutran qui est avec nous au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes géomorphologue, membre associé au laboratoire d'environnement de l'Université de Savoie. Alors, quand on lit les chiffres de cette étude, ça ressemble pas vraiment à une bonne nouvelle pour la planète. C'est comme ça que vous voyez les choses, vous aussi ? Oui, effectivement, ça fait partie de toutes les mauvaises nouvelles qui arrivent journellement, et notamment sur la fonte des glaces. Les glaciers de l'Antarctique subissent aussi la fonte des glaces, mais je crois qu'il faut un petit peu relativiser le propos. On a une fonte assez exceptionnelle dans l'Antarctique ouest, au niveau de la péninsule. En fait, la péninsule, c'est le prolongement de l'Amérique du Sud. Et là, on a des glaciers qui arrivent dans l'océan, comme tout autour de l'Antarctique, qui donnent naissance à des grandes plateformes glaciaires qui sont très, très vastes. Et certaines de ces plateformes glaciaires ont disparu. Ça fait des volumes de glace colossales. Donc, c'est dans cette zone du monde que les glaciers actuellement fondent le plus. On va y revenir, mais tout d'abord, est-ce que c'est une surprise pour les scientifiques, cette accélération ? C'est quelque chose qui avait été prévu ou complètement sous-estimé ? Ça avait été apparemment un peu sous-estimé. La fonte de ce secteur, on sait que cette région du monde s'est réchauffée d'à peu près 3 degrés, voire un peu plus, même depuis une soixantaine, 70 ans, 80 ans, et c'est la partie de l'Antarctique qui subit le plus la fonte. L'autre partie de l'Antarctique, donc l'Antarctique Est, qui correspond à la plus grande masse de glace du monde, on ne sait pas. Actuellement, les bilans seraient positifs. Ce qui est sûr, c'est que l'Antarctique Est augmente en épaisseur du fait de plus de précipitations, mais on a quand même beaucoup de fonte sur la marge, sur les glaciers qui arrivent dans l'océan. Et qu'est-ce qui se passe à l'ouest exactement pour qu'on en arrive à une telle situation ? À l'ouest, en fait, on a des glaciers qui ont subi le réchauffement beaucoup plus important, qui subissent également une légère remontée du niveau marin. Le niveau marin n'est pas beaucoup remonté, 20 cm depuis un siècle à peu près. Ça suffit pour déstabiliser des grands icebergs tabulaires. En fait, non pas des grands icebergs, mais des plateformes glaciaires qui avancent sur l'océan. Ce sont des phénomènes physiques de d'écoulement de la glace qui, en théorie, ne devraient pas exister, mais ça existe. Et on a des grandes surfaces recouvertes de glaciers flottants qui finissent par se disloquer, comme la plateforme Larsen il y a quelques années. Ça correspond à des volumes absolument colossaux. Donc, dès que le réchauffement se fait ressentir au niveau de l'océan et au niveau de l'atmosphère, immédiatement, ce sont ces zones extrêmement fragiles qui sont les premières touchées. Alors, Sylvain Coutran, encore deux questions parce que le son n'est pas très très bon, donc on va malheureusement être obligé d'abréger. Mais quand même, on a envie de connaître les causes quand même de cet emballement. Quelles sont-elles, très rapidement ? Alors, très rapidement, c'est l'augmentation évidemment des températures de la Terre. La Terre a quand même... Les températures ont gagné un degré depuis une centaine d'années, voire un tout petit peu plus. Cette zone a été beaucoup plus touchée. On a des océans qui se réchauffent également. L'océan Austral s'est légèrement réchauffé, et inévitablement, ça fragilise ces glaciers flottants qui se disloquent et qui, donc, on a une très, très grosse perte de volume. Alors, est-ce qu'il est possible de savoir comment va évoluer la situation, en particulier si le climat continue à se réchauffer, ce qui est fort probable ? Alors le climat, évidemment, il va continuer à se réchauffer. Et ça tient également, ça tient en grande partie des gaz à effet de serre que l'activité humaine renvoie dans l'atmosphère. Les perspectives, on les connaît pour les glaciers alpins, on les connaît moins pour ces grandes calottes glaciaires, parce que le temps de réponse de ces grandes calottes glaciaires est très très long. C'est pas trois générations, c'est plusieurs centaines d'années, voire plusieurs milliers d'années. Le Groenland, on sait qu'une partie du Groenland va fondre dans les 100, 200, 300 prochaines années. Pour l'Antarctique, il y a beaucoup de modèles. Tout est modélisé et selon les paramètres qu'on va intégrer dans les modèles, on a des résultats plus ou moins différents. Quoi qu'il en soit, on a quand même une sonnette d'alarme qui est tirée aujourd'hui. Et concrètement, est-ce qu'on peut savoir de combien vont s'élever les océans dans les décennies qui arrivent avec ces nouveaux éléments ? Alors avec les nouveaux éléments, les calculs qui ont été faits suggèrent une augmentation d'environ, comprise entre 50 cm et un petit peu plus d'un mètre pour la fin du siècle. Parce que le problème, c'est que non seulement les océans vont un peu se réchauffer, mais le niveau marin, étant donné qu'il va remonter, ça va encore plus déstabiliser les glaciers de l'Antarctique qui arrivent dans l'océan. C'est une sorte d'emballement, en fait. Une sorte d'emballement, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Sylvain Coutran, pour ces explications à la suite donc de cette publication qui est sortie il y a quelques jours à peine. Merci. Et Héloïse, on se retrouve demain pour à une demain. Nouvelle une. Merci. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, pour protéger à la fois l'environnement et la santé humaine, un changement de régime alimentaire radical s'imposerait également. C'est la conclusion d'un rapport co-réalisé par la revue médicale The Lancet et l'ONG Fondation HIT, qui a mobilisé pendant 3 ans 37 experts de 16 pays. Et le régime le plus éthique, selon ces experts, devrait être à l'échelle mondiale 2 fois moins riche en viande rouge et en sucre, et 2 fois plus riche en fruits, en légumes, en légumineuses et en noix. Un tel modèle alimentaire permettrait d'éviter, selon eux, environ 11 millions de décès prématurés par an dans le monde. Il préserverait également la stabilité de notre système climatique et de nos écosystèmes. Les caractéristiques du développement dentaire de l'homme moderne ne dateraient pas vraiment d'hier. Un groupe de scientifiques chinois et internationaux dont l'étude est publiée dans la revue Science Advances a travaillé sur le fossile d'un enfant chinois qui aurait entre 104 000 et 248 000 ans et analysé donc sa dentition. Et en dépit d'une morphologie dentaire archaïque, ils ont constaté que la plupart des aspects du développement dentaire de ce jeune garçon de 6 ans présentait déjà des caractéristiques humaines modernes, comme par exemple le temps prolongé de formation de la couronne et le retard de la première poussée de la molaire. Ces résultats suggèrent que plusieurs facettes du développement de la dentisterie humaine ont évolué à l'est de l'Asie. Et puis enfin, au programme du week-end prochain, un débat autour des thèmes du climat, de l'énergie et de l'environnement. Et c'est un événement organisé par la Société française de physique et la Société chimique de France. Un événement accessible à tous qui va se tenir à l'École normale supérieure à Paris le 19 janvier, donc cette semaine. Ce sera rue Laumont dans le 5e arrondissement. Les deux associations souhaitaient apporter au débat public un éclairage indépendant et sans biais idéologique donc sur ces questions climatiques et énergétiques. Si vous souhaitez y participer, c'est ouvert au public. Mais attention, l'entrée est gratuite sur inscription. En allant sur le site de la Société française de physique, c'est sfpnet.fr. Allez, les relations arbres-champignons dans un instant. Gallipolis, c'était extrait du dernier album de Beyrouth. La tête au carré, Mathieu Vidard. Francis Martin, notre invité donc cet après-midi, microbiologiste à l'INRA à Nancy, dans ce laboratoire d'excellence Arbre. Vous êtes un des plus grands spécialistes mondiaux de la forêt et donc notre invité pour la sortie de ce livre « Sous la forêt, pour survivre, il faut des alliés ». C'est ce titre donc publié aux éditions Humaine Science, avec les questions des auditeurs qui nous rejoignent donc sur le site de l'émission pour tout savoir justement sur ces liens entre les arbres et les champignons. Du point de vue de la science, ça fait combien de temps justement qu'on a découvert ces interactions, ces alliances, comme vous le disiez tout à l'heure hein? Les mycorhizes, donc cette interaction mycorhizes, champignons-racines, interaction ouais. entre les racines des arbres et les champignons supérieurs, découverte à la fin du 19e siècle, 1850, par un monsieur qui s'appelait Franck et que le roi de Prusse avait embauché pour cultiver des truffes. Ouais. Et au cours de ses travaux, il avait remarqué sur les racines des plantes, sur les petites radicelles de ces systèmes racinaires, des champignons qui s'installaient. Au départ, il pensait que c'était des champignons parasites, pathogènes des arbres, et il s'est aperçu, il a compris très tôt que ces champignons, grâce au réseau qu'ils pouvaient développer dans le sol, favorisaient la nutrition, favorisaient l'absorption des éléments nutritifs indispensables à la croissance des arbres. Et il a fait des descriptions, des dessins qui sont assez extraordinaires, et voilà, aujourd'hui, on peut revenir à ces travaux, on y retrouve la description morphologique, c'est-à-dire quelle forme avaient ces racines, en association avec les champignons, et déjà, ils proposaient qu'ils aidaient ces champignons, les arbres à pousser, oui. en leur apportant de l'azote. Donc ça n'est pas si récent que ça, finalement non, hein. On a l'impression, nos grands publics et néophytes, que c'est tout à Alors, fait récent dans l'histoire de la science. Il y a une très longue période, quasiment 70 à 80 ans, où ces champignons étaient un peu oubliés ou pris pour des champignons pathogènes et parasites. Oui. Et il faut attendre, après la Seconde Guerre mondiale, deux scientifiques britanniques, Jack Harley, qui travaillait sur les mycorhizes du hêtre, donc les symbioses, ces champignons associés au hêtre, et Barbara Mossé, qui travaillait plutôt sur les champignons très primitifs qui forment des associations avec les plantes herbacées, avec les céréales. Ces deux personnes-là, dans les années 50, ont rénové les sciences mycorhizologistes, les interactions avec les champignons mycorhiziens, et c'est eux qui ont donné naissance à une nouvelle génération de scientifiques qui ont travaillé essentiellement au départ sur la nutrition, le rôle dans la nutrition de ces champignons. Ouais, vous avez parlé de champignons supérieurs là tout à l'heure, Francis Martin. Alors pour moi, les champignons supérieurs, c'est pas un terme très très très approprié, mais on considère que les champignons des familles que l'on regroupe sur le terme scientifique d'Ascomycètes. Ouais. Et de basidiomycètes. Donc, si on veut imaginer, illustrer, les basidiomycètes, c'est les chanterelles, c'est les cèpes, c'est les champignons comme la manite, le rose de pré, les ascomycètes, c'est la truffe, les aspergillies qu'on trouve sur les pénicillums qu'on trouve sur les confitures. Mmh. Donc, c'est les deux grandes familles très évoluées de champignons qui possèdent des structures très avancées qui leur permettent de former des fructifications, par exemple. Alors, en septembre dernier, on en avait parlé dans l'émission, avait été publié ce rapport annuel sur l'état du monde des champignons, dressé par les Jardins Botaniques Royaux de Kew. C'est un rapport important parce que c'est un inventaire qui était aussi destiné au grand public, finalement, pour nous faire réaliser à quel point cette biodiversité des champignons est importante. Cette réunion de Kew a permis d'abord aux scientifiques travaillant sur les champignons de se retrouver, et des scientifiques qui travaillent à la fois sur la biologie, sur l'écologie, sur la préservation de ces champignons. Ces trois grandes familles de mycologues qui n'ont pas toujours l'occasion de se rencontrer et se retrouver à cet endroit dans les jardins botaniques de Kew, qui sont magnifiques. Et pour parler de champignons, c'est extrêmement excitant. Et ça a permis... Ils ont fait une grosse opération sur de Internet, communication. De communication. Oui, bien sûr, donc, mais c'était très utile. Tous les journalistes du monde ont fait écho à cet événement, et je crois que c'était vraiment... C'est pas tous les jours qu'on s'intéresse aux champignons, Absolument. Finalement. Hein. On s'est aperçu que, premièrement, ils étaient plus abondants que les animaux et les végétaux. Donc c'est une famille, un royaume d'organismes vivants qu'on a tendance à négliger parce qu'on les voit peu. Combien d'espèces répertoriées à peu près ? Là aussi, il y a débat, mais on en a répertorié au moins 100 000 qui sont identifiés. On pense qu'il y en a 1 million, peut-être même 5 millions. Ouais. Donc, ils sont plus nombreux que les insectes, plus nombreux que les plantes. Et donc, à Kew, on a pu parler à la fois, faire l'inventaire de ces champignons, parler de ces inventaires, ouais. De souligner l'importance qu'ils avaient dans l'alimentation humaine, dans les maladies des plantes, mais aussi les effets symbiotiques, les effets positifs qu'ils pouvaient avoir sur la croissance des plantes. Et en même temps, il y avait plusieurs collègues qui ont tiré un signal d'alarme en ouais. disant « Attention, ces champignons, on les voit mal, le grand public les connaît peu, et il est temps de faire attention parce que beaucoup d'espèces disparaissent. » Alors comment vous arrivez à nous convaincre? Parce que précisément, c'est vrai que les champignons, on s'y intéresse pas beaucoup quand même, hein, et on marche dessus sans les voir. Donc comment justement on arrive à sensibiliser le grand public là-dessus? Faut d'abord réaliser que sans ces champignons, les civilisations humaines seraient certainement moins avancées. Pourquoi? Imaginez une civilisation, un pays où il n'y a pas de vin, il n'y a pas de pain, mm-hmm. il n'y a pas de fromage. Oui, c'est embêtant. Ça vous intéresse? Oui. Moi, enfin, non, en particulier en France. Donc, mais en oui. fait, les champignons, les levures sont des champignons, donc ils jouent un rôle important dans les processus de fermentation. Les pénicilliums fournissent des antibiotiques indispensables à la survie des hommes quand ils sont malades. Les statines que beaucoup d'entre nous prenons pour maîtriser le taux de cholestérol mm-hmm. sont des produits, des métabolites, des composés synthétisés par les champignons. Donc, la civilisation humaine fait appel à ces champignons depuis très longtemps. Les plantes ne pousseraient pas sans ces champignons. Les champignons ont tressé une alliance avec les arbres il y a près de 450 millions d'années. Oui, donc c'est une histoire très ancienne. Justement, on va écouter la voix d'un professeur d'écologie forestière que vous connaissez, c'est Suzanne Simard, qui nous parlait du langage végétal élaboré des arbres dans un documentaire qui s'appelle tout simplement « L'intelligence des arbres » tourné en 2016. Nous avons cartographié le sol d'une forêt et nous nous sommes rendus compte que tous les arbres entremêlaient leurs racines en un immense réseau souterrain unique et commun à tous. Nous avons donc procédé à des expérimentations pour comprendre le fonctionnement de ce réseau. L'étape suivante a consisté en un marquage isotopique qui nous a permis de tracer les molécules de carbone et de découvrir qu'elles circulaient d'un arbre à l'autre à travers ce complexe écomycorhizien. Si le carbone empruntait ce réseau, d'autres éléments chimiques empruntaient peut-être ce même trajet. Alors nous avons poussé nos recherches plus loin et fait la même chose avec l'azote, le phosphore et l'hydrogène. Et en effet, tous ces éléments faisaient des allers-retours entre les arbres. Nous avions découvert les bases d'un langage végétal élaboré. Ces bouleaux communiquent avec d'autres bouleaux, mais également avec ce sapin de Douglas et avec la pruche qui est un peu plus loin. Voilà, Francis Martin. Il y a un bon résumé, là, finalement. Voilà, c'est fantastique. Dans ces quelques secondes, on a beaucoup de choses. Absolument. Vous êtes d'accord sur le fait de parler de langage avec ce réseau mycorhizien? Je souscris complètement à ce que vient de dire Suzanne Simard ses collègues de l'université de Colombie-Britannique. Ils ont fait un travail remarquable. Mm-hmm. On savait que les arbres interagissaient avec les champignons, que les racines formaient une symbiose avec les filaments microscopiques qui entourent ces racines. Ce qu'on savait moins, c'est que ces filaments microscopiques pouvaient partir des racines où ils étaient installés pour aller prospecter le sol, absorber les éléments nutritifs, mais également s'interconnecter avec les arbres voisins. Oui. Et donc la présence de ces réseaux mycéliens, elle est connue depuis à peu près une quinzaine d'années, mais on n'avait pas réalisé l'importance écologique que ces réseaux mycorhiziens pouvaient avoir dans le transfert des éléments nutritifs, mm-hmm. Dans le transfert des sucres, dans le transfert peut-être de signaux d'alarme, d'alerte entre les différents arbres. Mais est-ce que ça veut dire que l'arbre seul ne peut rien finalement et que sa vie repose précisément sur cette symbiose? On peut faire croître des arbres au laboratoire en l'absence de champignons, de micro-organismes associés. Ça, c'est possible. Ouais. C'est possible. Et dans la nature? Il faut leur apporter des quantités d'éléments nutritifs considérables. Ouais. Ce que la plupart d'entre nous faisons dans un potager ou sur le balcon, quand on arrose nos plantes, on arrose avec des solutions nutritives dont la concentration est 100 à 1000 fois supérieure aux teneurs en éléments minéraux et nutritifs qu'on peut trouver dans un sol forestier. Donc une plante qui est dans les conditions naturelles a beaucoup de mal à survivre. Elle va peut-être croître, mais de façon extrêmement ralentie, son développement ne sera pas assuré et sa santé non plus. Ouais. Par contre, si ces arbres s'associent à leur symbiote mycorhizien, encore une fois, ça peut être la truffe, ça peut être le cèpe de Bordeaux, ça peut être l'amanite. À ce moment-là, on a à peu près 1 kilomètre de filaments microscopiques associés à 1 mètre de racine. Ça veut dire que la racine mycorhizée, en symbiose avec les champignons, elle possède une prothèse qui lui facilite l'absorption des éléments nutritifs. Francis Martin, il y a Jean-Paul qui nous envoie ce petit mot sur le site de l'émission. Il nous dit cette coopération justement entre champignons et plantes est donc très ancienne, vous l'avez dit, hein, 450 millions d'années. Est-ce qu'on peut parler d'intelligence des champignons qui vivent en symbiose avec les arbres? Est-ce que c'est un mot que vous acceptez ou pas? Intelligence, c'est un mot difficile à utiliser. Les arbres sont intelligents au sens où ils sont capables de sentir leur environnement, ils sont capables de capter des signaux, ils sont capables de voir la lumière, les différentes longueurs d'onde, ils ont des capteurs pour ça. Ils les ont pas centralisés dans des organes, mais répartis sur l'ensemble de leur corps, sur leur surface. Mmh. Donc ils sont capables d'absorber, donc ils se nourrissent, ils sont capables de communiquer, de dialoguer avec les autres organismes ou entre les différentes parties de l'arbre. De là à parler d'intelligence cognitive, comme la plupart des auditeurs seraient tentés de le faire, oui. Non. Non, ils sont pas plus intelligents que des vers de terre, ils sont pas plus intelligents que des bactéries, ils ont une capacité à s'adapter à leur environnement considérable. Sous la forêt, pour survivre, il faut des alliés, c'est chez Humaine Science et vous êtes notre invité, Francis Martin. Son balance, je voudrais qu'on se tire en vacances, mater des séries toute la nuit, sous réserve qu'il y ait du wifi. À nous les correspondances, vol de nuit sans turbulence, je veux te voir tout dépenser dans ces souvenirs à fabriquer. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances, compter les vagues se casser, sous réserve qu'il y ait des vagues. La vie c'est pas qu'une école, t'es même pressé quand tu picoles. Laisse de côté ton agenda pour passer du temps avec moi. J'écrirai le mot d'absence, convalescence, port de plaisance, une vraie semaine pour s'arrêter, maintenant qu'on fait plus qu'avancer. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances, regarder les gens passer, sous réserve qu'il y ait des gens. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances, voir le soleil se lever, sous réserve qu'on soit arrivé. Laissez le temps se défiler, y'a rien de mieux pour la santé. Je te regarderai t'habiller, puis on ira prendre un café. C'est pas des plans sur la comète, un instant sur la planète, pour oublier qu'il faudra rentrer si le vol est pas annulé. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances, regarder les gens passer, sous réserve qu'il y ait des gens. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances, le soleil se levait, sous réserve qu'on soit réveillé. Vacances, c'était Séverin. Et dans la tête au carré sur France Inter, Francis Martin, notre invité avec ce livre « Sous la forêt pour survivre, il faut des alliés ». C'est chez Humaine Science et des alliés des champignons en particulier, avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent donc sur le site de l'émission. Philippe nous parle des rondes sorcières. Est-ce qu'ils sont dépendants des racines des arbres? C'est quoi les rondes sorcières, Francis? Non, c'est les fées qui font des rondes sorcières. Les rondes sorcières, c'est un phénomène qui a toujours fasciné les mycologues, mais également évidemment les promeneurs et les ramasseurs de champignons. Il faut imaginer ce tapis dont on a parlé, ce tapis de filaments mycéliens qui colonisent le sol. Ce tapis colonise le sol sous les feuilles mortes, à 5 cm, 10 cm en dessous du sol. Il se répand dans la forêt, il progresse, il explore le substrat. On pense qu'il il pousse de 50 cm à 1 mètre tous les ans. Oui, c'est beaucoup quand même. Donc il y a cette masse fongique qui avance de façon concentrique de part et d'autre de l'arbre ou dans une prairie si on a affaire à des champignons de prairie comme les coprins ou les agarics. Et tous les automnes, quand les conditions vont être remplies, c'est-à-dire une forte humidité, quelques nuits fraîches, le processus de fructification, c'est-à-dire de formation des champignons, ceux qui sont visibles et ceux qui vont sortir du sol, se déclenche. Et ça, évidemment, ça se déclenche en bordure de la colonie. Donc, comme la colonie est concentrique, on a formation d'un cercle de champignons. Et ça, c'est dépendant des racines des arbres ou pas? Alors, pour les champignons qui sont dans les prairies, comme les agarics, comme les champignons de Paris, comme les coprins, qui peuvent former aussi des rondes sorcières, non. Dans ce cas-là, ils ne sont pas associés à des arbres. Ce sont des champignons saprotrophes, saprophytes, qui mangent la matière organique. Ils forment des rondes sorcières parce que leur colonie se développe sous la prairie. Par contre, effectivement, les nonnettes voilées, les champignons, les bolets jaunes, par exemple, qu'on trouve autour des pins noirs, eh bien, le cercle va se former au niveau du système racinaire, de façon concentrique autour de l'arbre. Francis Martin, vous parlez de trois grands groupes, finalement, dans cet ouvrage. C'est le bon, la brute et le truand, parce que les relations ne sont pas toujours calmes Oui, je me suis permis de prendre cette image, mais je trouve qu'elle est assez juste, en fait. En forêt, quand on se promène, à l'automne, on peut rencontrer au moins trois grands types de groupes. Ouais. Je les appelle des guildes, des associations. On a des champignons qui se nourrissent de la matière morte, de la matière organique, c'est-à-dire des troncs qui sont tombés au sol, des brindilles, des feuilles. Donc c'est les nettoyeurs finalement qui nettoyeurs ou fossoyeurs, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité assez rare sur Terre de décomposer la lignine et la cellulose. Alors la cellulose, c'est pas trop difficile à consommer, mais la lignine est l'un des polymères, l'une des molécules les plus résistantes sur notre planète. Il y a très peu d'organismes qui ont les enzymes, les outils pour dégrader cette lignine. Mmh. Donc en fait, les fossoyeurs vont être nombreux. C'est tous les champignons qu'on trouve dans la litière, sur les feuilles mortes, sur les troncs morts. On distingue parfois ce qu'on appelle des consoles, comme des fers à cheval qui sont accrochés aux arbres morts. Ceux-ci sont les fossoyeurs. Ils consomment la matière morte. Et puis, il y a les symbiotes dont on a déjà parlé. La plupart d'entre eux sont mycorhiziens. Ils s'associent aux racines pour former une association à bénéfice mutuel, pérenne. Et puis, il y a ceux qu'on n'aime pas beaucoup, nous autres forestiers, ce sont les pathogènes. Ouais. Alors, eux, ils s'embarrassent pas de tresser un dialogue avec la plante. Ils n'ont pas appris à parler aux plantes pour mettre en place un commerce équitable. Ils sont capables d'atterrir sur la plante et de s'en nourrir en tuant l'arbre ou en tuant la plante. Alors Michel nous dit, Alain Baraton sur cette antenne nous enseigne le week-end qu'un arbre présentant un champignon énorme sur son tronc est foutu, donc symbiose, oui, mais pas toujours. Donc, hein, ça, c'est alors, une illustration. Dans ces cas-là, c'est pas des symbioses. Ceux qui forment quand on trouve des polypores, on les appelle également des consoles en fer à cheval sur les arbres, ce sont des parasites de faiblesse quand l'arbre baisse ses défenses. Ces champignons vont l'envahir, pousser entre l'écorce et le tronc, boucher les vaisseaux conducteurs et faire mourir l'arbre de sécheresse. On va écouter justement un documentaire de 2008, c'est sur France 3 Normandie, où l'on évoquait un être attaqué par un champignon parasite. Il est peu ragoûtant, le polypore géant. Ce champignon lignivore, virulent, est apparu il y a 2 ans sur les racines de ce être pourpre, l'un des arbres remarquables de la ville et emblème du square Verdrel. Un champignon qui profite lâchement de l'âge et de la faiblesse de l'arbre pour accélérer son déclin. À la direction des espaces publics et naturels de Rouen, on s'inquiète bien sûr de la santé de ce être de 26 mètres, l'un des plus hauts de la ville. Un arbre, c'est comme nous, c'est un être vivant qui naît, qui se développe et puis qui un jour meurt. Il y a un moment donné où quand on remarque ce type de champignons, qui sont des champignons très agressifs, qui peuvent remettre en cause la stabilité de l'arbre, on essaye de se poser les questions sur son devenir à court terme. Découvrant la prolifération du champignon, la ville a mandaté une première expertise. Le diagnostic est tombé, le champignon qui s'installe dans les blessures de l'arbre ne se soigne pas. On ne peut donc que surveiller son évolution et garantir l'enracinement de l'arbre. Étant donné que le système racinaire est digéré pour une bonne partie, le risque est la rupture de cet arbre au pied. Voilà, donc les choses arrivent et ça devient fatal pour l'arbre. Ça peut prendre des dizaines d'années. Hein. Oui. Quand on détecte... Mais le processus est quasi inéluctable alors. Oui. Ouais. Alors, nos champignons symbiotiques, là, les sympas qui vivent justement en alliance avec l'arbre, est-ce qu'ils peuvent réagir et justement sortir des armes aussi pour défendre l'arbre contre d'autres champignons envahisseurs? Tout à fait. On a bien sûr évoqué le rôle majeur de ces champignons symbiotiques comme facilitateurs de l'absorption des éléments nutritifs pour booster la croissance des arbres. En fait, ils ont un rôle aussi non négligeable. En formant ce manteau, ce manchon protecteur autour des racines, c'est comme un bouclier, physique, c'est comme un bouclier. Et en même temps, on a pu montrer que lors de l'association de la symbiose avec la plante, quand il dialogue avec la plante, il stimule les réactions de défense de la plante. Donc un champignon bien mycorhizé résiste mieux aux pathogènes. Donc c'est une bonne armée de défense, finalement. Flavie nous dit, est-ce que les mycorhizes provenant des arbres peuvent bénéficier à des plantes voisines et leur fournir aussi des nutriments? Bon, on revient à cette notion de réseau mycorhizien. On peut considérer que si un arbre est bien équipé en symbiote mycorhizien, une partie des éléments nutritifs qu'il utilise pourrait être éventuellement transféré aux arbres voisins, aux arbres plus jeunes. Il y a un bel exemple de transfert d'éléments nutritifs entre arbres et plantes voisines, c'est le travail de Marc-André Selosse sur les orchidées. Il sera notre invité la semaine prochaine. Il complétera mon histoire, mais c'est quand même un magnifique résultat scientifique. Il y a des orchidées qui sont albinos. Elles ont perdu la capacité de photosynthétiser, donc elles ne sont plus capables de fabriquer leur sucre. Et pourtant, elles peuvent proliférer dans les sous-bois. Pourquoi? Parce qu'elles se branchent directement sur ce réseau mycorhizien des arbres. Elles interceptent les éléments nutritifs que les arbres, les chênes ou les hêtres s'échangent au sein de la forêt. Elles mettent leur suçoir, leur propre filament mycélien sur ces réseaux mycorhiziens et captent l'énergie et les nutriments que les arbres s'échangent. Incroyable, c'est joli. Oui, c'est très beau. Il y a des stratégies qui sont inouïes finalement. Et alors Arnaud nous dit, une fois qu'un arbre est colonisé par un champignon, celui du pourridier en l'occurrence, combien de temps lui reste-t-il à vivre? Est-ce qu'il y a une moyenne? Si c'est un très vieil arbre centenaire, il va falloir des dizaines d'années pour qu'il meure. Agnès demande, est-ce que vous pourriez parler de mycorhisation des cultures pérennes comme la vigne? Comment exploiter justement ces interactions? Ça fonctionne de la même manière? Alors on sait que la vigne est associée à des champignons mycorhiziens, pas les mêmes que ceux des chênes ou des hêtres. Mais en fait, il n'y a pas tellement de résultats parce qu'en fait, vous savez, malheureusement, en viticulture, on apporte des quantités d'éléments nutritifs considérables. Et en fait, une plante, elle va perdre sa symbiose quand on lui apporte trop d'éléments nutritifs. Donc sa capacité à la produire elle-même, finalement. À quoi bon établir des interactions symbiotiques pour se nourrir? Si on vous le donne à l'extérieur. D'autant plus qu'on ne l'a pas précisé, mais ces interactions symbiotiques entre arbres et champignons, elles ont un coût. L'arbre va allouer aux champignons symbiotiques 20% des sucres qu'ils fabriquent. 20% c'est coûteux à 25%. En énergie, Donc l'investissement est tout à fait intéressant quand le champignon symbiotique apporte de l'azote et du phosphore. Ça stimule tellement la croissance que finalement le coût en photoassimilat, c'est-à-dire en sucre venant de la photosynthèse, n'est pas énorme. Si on apporte, c'est le cas des agrosystèmes, des éléments nutritifs en très grande quantité, phosphate, azote, potassium, les plantes, nos plantes comme le blé, comme le maïs, les céréales, elles n'ont pas de symbiose. Dans les agrosystèmes, il n'y a pas de symbiose. Et donc dans les vignes, la plupart du temps, il n'y a pas de symbiose. Allez, on se retrouve dans un instant. D'autres nombreuses questions pour vous, Francis Martin. Dans la piscine de tes parents, qu'est-ce qu'on s'emmerde? Marrant sans tes parents, sinon ma pauvre, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Dans la piscine de tes parents, au nom de Dieu, qu'est-ce qu'on s'emmerde. On se tourne les pouces, on attend l'heure du thé. Tu te la journée. Voilà la piscine de tes parents, tes chers parents, moi, qui t'aidons. Ça me chatouillait depuis la Trinité, Sainte Trinité. Ça me fait penser que je m'attendais à plus exaltant que la baignoire de mes parents. Moi, je me faisais que j'attendais à l'heure du thé, seulement à l'heure du thé. Mais là, tu vois. La piscine, c'était les Little Rabbits. La tête au carré sur France Inter. Francis Martin, notre invité, donc sous la forêt aux éditions Humaines Sciences avec les questions nombreuses des auditeurs. Il y a Martine qui vous demande s'il est judicieux justement d'ajouter des produits mycorhizes lorsqu'on plante un arbre ou un petit bois. Oui. C'est on appelle ce protocole, cette procédure, la mycorhisation contrôlée. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien étudié cette interaction entre un arbre donné, prenons un chêne ou un sapin de Douglas, des espèces de reboisements assez fréquentes, et qu'on a trouvé le meilleur partenaire. Dans le cas du sapin de Douglas, il y a une quarantaine d'années, les collègues de l'INRA de Nancy ont démontré qu'un champignon qu'on appelle le laquaire bicolore, un petit champignon discret, comestible, mais pas, c'est pas le meilleur, est capable de s'associer extrêmement bien avec le sapin de Douglas et stimule sa croissance d'un facteur 2 à 3. Ah oui, quand même. Et donc ce champignon est utilisé maintenant en France et dans beaucoup de parties du monde pour inoculer des jeunes plantules de sapin de Douglas qui, de ce fait, sont mieux à même d'être transplantées dans des conditions un peu difficiles. Il y a un très bel exemple, c'est la reforestation des zones où les schistes bitumineux ont été extraits au Canada. Les sols, après passage des machines et l'extraction des schistes, sont dans un état catastrophique. Donc les collègues canadiens font des sols artificiels, plantent des jeunes sapins de Douglas, et ces sapins de Douglas sont inoculés par les champignons mycorhiziens. Et grâce aux champignons, ces arbres sont capables de résister au stress et s'adaptent mieux à ces conditions extrêmes et voient leur croissance augmenter. Alors il y a Hélène justement qui est ingénieur forestier qui nous dit « J'ai vu en Corrèze une méthode sylvicole consistant en l'arrachage des souches de Douglas avant de replanter du Douglas. Au regard des connaissances que vous apportez, que dire de cette méthode sylvicole ?» Ça marche donc, très bien. Ça marche bien apparemment. Donc, en fait, l'Office national des forêts, les propriétaires forestiers privés utilisent aujourd'hui la mycorhisation contrôlée. Alors peut-être pas à une échelle encore suffisante, mais peut-être 10 à 15% des jeunes plants aujourd'hui installés en forêt sont mycorhisés. Ouais. Et le plus bel exemple de mycorhisation contrôlée, probablement, eh bien, c'est l'inoculation des jeunes noisetiers ou des jeunes chênes par la truffe. Oui, alors ça c'est votre sujet de recherche aussi, la truffe, vous travaillez beaucoup là-dessus. On va écouter un sujet sur la trufficulture, extrait d'une archive de France 3 Pays de la Loire, c'était en 2015 à Chinon, et on en parle juste après avec vous. Cherche. Un petit coin de Touraine près de Chinon, ici la truffe mûrit plus tôt que dans le sud-ouest, Rabelais, l'enfant du pays et son Gargantua l'appréciaient déjà. Aujourd'hui c'est ce jeune trufficulteur qui perpétue la tradition. Son chien Tuktuk est spécialement dressé pour renifler le précieux champignon qui prolifère dans les racines des jeunes chênes. Et la truffe est ici une passion de famille. Le père de Louis produit et commercialise chaque année 20 000 plants d'arbres truffiers dans ses serres. C'est à Chinon qu'est née la trufficulture il y a plus de 200 ans. Ici, le tuber mélanosporum est chéri. Dans la nature, tous les végétaux, tous les arbres vivent avec à leur racine, un champignon. Ici, on a favorisé ce développement en installant sur les racines d'un chêne, le plus souvent, le champignon de la truffe. Voilà, Francis Martin. Et vous expliquez dans votre livre que par un concours de circonstances assez étonnant, c'est l'étude des chauves-souris, donc des chiroptères, qui a fait progresser justement la science trufficole. Et c'est un spéléologue, c'est ça qui... C'est une histoire assez incroyable. Un spéléologue explorant les anciennes galeries des tuffeaux dans le centre de la France, où on cultivait les champignons de Paris, en marchant, il voit sur le sol des truffes. Ouais. Incroyable, à 15 mètres sous terre. Ouais. Il rentre de son expédition, et heureusement il avait un ami mycologue, Philippe Clovez, et il lui dit, mais c'est bien une truffe. Et Philippe lui dit, oui, et je connais l'expert en truffe à Nancy, il téléphone à François Lotacon, notre collègue, qui depuis des années recherche ce moment où le mycélium de la truffe, qui est sur le système racinaire et qui a formé son ectomycorhize, crée un embryon qui va donner une truffette, qui va donner la truffe. Mmh. Ça se passe, cette réaction, la formation de cet embryon, doit probablement se déclencher à une quinzaine de centimètres de la racine mycorhizée. Donc c'est quasiment impossible, dans les conditions naturelles, à saisir ce moment. Oui. Mais là, qu'est-ce qui s'était passé alors? En fait, les arbres qui poussent au-dessus des galeries, à 15 mètres, envoient leurs racines dans les failles du sol. Qui les traverse, puis, arrivé dans la galerie, les racines prolifèrent, il y a de l'humidité et des champignons, et y compris des champignons, des tubères étaient présents sur le système racinaire et ont formé leur truffe. Donc ce spéléologue est revenu avec son panier de truffes. Ils n'étaient pas très jolis, il y en avait 2-3, mais oui, on pourrait imaginer qu'il ramène un panier de truffes. En 2010, a été publié dans Nature justement le génome de la truffe du Périgord, de la truffe noire du Périgord. Pourquoi c'est important de passer par la génétique justement pour étudier ces champignons? On connaît très peu de choses sur l'écologie de la truffière. Une truffière, le verger à truffe, finalement, c'est un écosystème. Mmh. Un écosystème où les communautés de champignons se développent, interagissent les unes avec les autres, entrent en compétition. Et pour que la truffe puisse être produite en quantité notable, il faut que tout le processus se passe bien. Il ne faudrait pas, par exemple, que les champignons, que la truffe qui était installée sur le système racinaire soit exclue par notre champignon mycorhizien. Sinon, le trufficulteur, enfin celui qui a installé ses plants truffiers, 5 à 10 ans après, il serait fortement déçu. Donc c'est important de mieux comprendre comment l'écosystème fonctionne, et pour ça, on a besoin de marqueurs moléculaires. Ouais. On a besoin d'identifier les truffes, on a besoin d'identifier les autres champignons qui interagissent et qui rentrent en compétition avec la truffe, on a besoin de connaître les mécanismes de l'activité sexuelle de la truffe, et quoi de mieux que de séquencer le génome, et à ce moment-là, on a l'ensemble du répertoire de gènes. Il y a combien de gènes dans une truffe, alors? Il y a 7 à 8 000 gènes. Ah oui? Y compris, on a identifié les gènes de compatibilité sexuelle qui sont utilisés au moment de la copulation entre les filaments mâles et les filaments femelles de la truffe. Donc avoir un génome, c'est à la fois acquérir de nouvelles informations scientifiques qui nous aident pour la recherche fondamentale, à comprendre l'interaction avec la plante, à comprendre l'évolution de ces champignons que sont les truffes, mais en même temps, très vite, on s'est aperçu qu'on pouvait générer des marqueurs moléculaires, des marqueurs assez proches de ceux que la police scientifique utilise, ce qu'on appelle les microsatellites, et grâce à ces microsatellites, grâce à ces marqueurs, on peut suivre les populations de truffes, on peut suivre leur démographie et l'impact des différents facteurs de la culture sur la truffe, sur le champignon. Ludovic nous dit, certaines espèces de champignons symbiotiques ne peuvent-elles pas devenir pathogènes en cas d'affaiblissement de l'arbre? Je pense à l'amadouvier sur le hêtre, par exemple. L'amadouvier n'est pas un champignon symbiotique, c'est un champignon saprophyte, décomposeur, qui peut être parasite. Donc l'amadouvier, non. Mais d'accord. Par contre, mais est-ce qu'effectivement, il y a des champignons symbiotiques qui peuvent retourner leur veste? En fait, on s'est aperçu que si la colonisation symbiotique était trop forte, la colonisation par les champignons symbiotiques était trop forte sur un jeune plant, il n'arrive plus à fournir la nourriture suffisante, les sucres suffisants pour le champignon. Et là, il peut avoir un effet négatif. La symbiose peut avoir un effet négatif sur la croissance de la plante. Dernière question d'Anne-Sophie sur franceinter.fr. De vieux arbres sont recouverts de lichen dans notre jardin, ce sont des cerisiers, des pruniers. Est-ce qu'il faut l'enlever ou pas alors? Non, pas du tout. Ouais. Les lichens sont une autre symbiose extrêmement importante pour les écosystèmes. On a parlé surtout de mycorhizes, mais les champignons peuvent s'associer à des algues pour former des lichens. Et ces lichens ont un rôle modeste sur la croissance des plantes, mais ils participent du bon fonctionnement des écosystèmes. Mmh. En plus, ce sont de bons indicateurs de pollution. Si notre auditrice a des lichens sur ses arbres, c'est plutôt bon signe. Bien. Et on apprendra également quel est le plus grand organisme vivant sur notre planète. Il s'agit en l'occurrence d'un champignon parasite. C'est dans votre ouvrage. On laisse le soin au lecteur de le découvrir, mais c'est assez impressionnant. Merci beaucoup, en tout cas Francis Martin. On pourrait parler des heures, mais en attendant, on peut également lire cet ouvrage. Donc, Sous la forêt, pour survivre, il faut des alliés. Et c'est un livre qui vient tout juste de paraître aux éditions Humaine Science. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci Mathieu. Et bon retour à l'INRA de Nancy. À bientôt. À bientôt. La science grand format, en partenariat avec France 5. Bonjour David Amiel. Bonjour. La route de la soie, 20h50 ce soir, et ce documentaire va donc nous raconter l'histoire de l'une des plus vieilles routes commerciales au monde. Effectivement Mathieu, elle serait apparue il y a plus de 4000 ans, sous la forme d'un immense réseau commercial, pas seulement une simple route. Et elle a marqué dès cette époque la naissance des relations entre l'Orient et l'Occident. Alors cette route doit son nom à une précieuse étoffe, la soie, dont seuls les Chinois d'ailleurs connaissaient le secret de fabrication. Mais ça n'est pas la seule invention majeure que l'on doit à l'Empire du Milieu. Oui, il y a de très nombreuses innovations qui sont souvent révolutionnaires, comme la poudre à canon, le papier, qui ont transité par ces chemins, qui ont participé à la transformation vraiment importante des sociétés. Par exemple, le rôle qu'a joué le papier en Europe dans la transmission du savoir a vraiment changé le visage du continent. Et au fil des siècles, ces échanges ont permis aux populations de se rencontrer, de mieux se connaître et surtout de s'enrichir. Eh bien, on va écouter un premier extrait de ce documentaire sur la route de la soie. Au fil des siècles, ces réseaux d'échanges ont formé ce qu'on appelle la route de la soie. Grâce à elle, de nouveaux savoir-faire et de nouvelles idées ont ainsi pu voyager. Ces innovations ont changé la vie des hommes et le destin des nations. Et elles ont mis de puissantes armées à genoux. Alors le film de ce soir, David, va nous expliquer aussi comment cette route de la soie a permis aux armées de conquérir de nouveaux territoires et même à la peste noire de se propager. Oui, c'est le côté plus sombre de la route. Des armées l'ont utilisé pour se déplacer plus vite et donc des invasions ont pu se faire plus facilement. Les Romains, par exemple, se sont fait écraser la première fois qu'ils ont dû affronter une force de cavalerie qui était armée d'arcs composites, qui étaient des innovations qui venaient d'Asie par cette même route. Concernant la propagation des maladies, il est vrai que la route de la soie a permis à la peste noire en 1348 de se répandre et de décimer plus de 25 millions de personnes en Europe, ce qui était plus d'un tiers de la population de l'époque. On peut donc indéniablement dire que la route de la soie a vraiment changé le cours de l'histoire et a façonné notre monde. Voilà, et on va croiser de nombreuses figures célèbres justement qui ont illustré cette route de la soie. C'est un documentaire donc à regarder ce soir à 20h50 dans la case Science Grand Format sur France 5. Merci beaucoup David et à la semaine prochaine. Merci. En attendant, on se retrouve bien sûr demain, comme tous les vendredis, avec le Club de la Tête au Carré. Au programme demain, le chercheur Mehdi Moussaïd viendra nous parler du phénomène de la foule, étudié justement par la science. Une exposition sur les coléoptères que vous pouvez voir en ce moment à Lyon. On y reviendra demain avec Sophie Bécherel. Et puis on évoquera un livre autour de Aaron Swartz, un jeune génie de l'Internet au destin tragique.